fou. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud sera de retour parmi nous pour son bloc musical Justine aux platines. François Landry nous parlera de politique dans son habituel mais excellent segment Logocratie 101 et Joanie Gagnon nous dira quelle sortie faire dans sa chronique Alors on sort. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, je m'appelle Mathieu Plante. Moi c'est Jean-Philippe Charbonneau. J'ai fait ici en jeudi 5 décembre 2013. C'est journée d'exception. C'est ça. Ça fait 3-4 jeudis de suite qu'on ne voit pas, mais là t'es là. 3. 3? Ouais, faut pas en rajouter là. Ok, excuse-moi, j'arrondissais vers le haut. Disons 10. Disons 10, au pire. Bienvenue à toi, bienvenue à vous les petits requins pour une autre édition d'Assemblage requis. On va recevoir des invités assez fascinants comme, par exemple... Fascinant. Ben, Francinant. Mais François Landry, Francinant, il prend. Avec sa collègue Logo Cassis 101, ça c'était à 8h30. Ce que tu dis, c'est juste. Justine Renaud. Bravo, bravo, JP. Il est allumé pour un jeudi, t'sais. Merci, merci. Oui. Merci. Merci. À 9h, on aura aussi Joanie Gagnon. Donc, big winner. Winning lineup avec Joanie Gagnon. Ah non, ça c'est l'émission d'aujourd'hui avec en plus son fou palmarès et les autres assemblages, toutes les chroniques classiques là, qu'on fait habituellement le jeudi. Mais comme je disais et comme on disait, on va commencer avec Justine, mais pas là là. Quand vous voulez. Pas là là là. Là là. Laissez-moi le temps de me réveiller là. Ben c'est ça, il est quand même tôt là. Un petit 30 secondes. Je vais te donner 3 minutes 4 secondes jusqu'à. Ah, ça va être assez pour mes exercices matinales puis mon yoga là. Colin, c'est il y a plus pas assez de place là, mais. Ça à table. Ça à table. Tant ça console, ça se dévisse ces affaires-là? Ben oui. On va tout changer ça. On s'en va entendre une pièce du côté francophone. C'est la nouvelle entrée de Navet Confit. Mm. Ouais. Voici ton sac. Donne attention. Ça, t'en vois pas, hein? Il la voit pas. Il la cherche, il la voit pas. Ah, mais pas tant dans les nouveautés. Nouveauté de la semaine passée, excuse-moi. Là, tu m'as induit en horreur. En horreur? En horreur! Ah! C'est ton sac de natation. Pour aller, pour aller se réveiller. Ah, dans le sac. Dans le sac de natation. Dans la piscine. Parce qu'il parle en même temps, fait qu'on comprend comme pas les mots. Là. Excuse-moi. Mais, je trouve que c'était bien bon. Ouais. Francinant. Oui. Just incredible. Tes yeux comme deux olives farcies. Tes yeux parlent avec le commis. L'inter comme des goulines de bas prix. De mépris. De bas prix. De mépris, il fait froid, tout est gris, une odeur de vomi. Et tous ces gens qui s'abattent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Tous ces gens qui s'abattent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Entends-tu les néons qui parlent? Je me confie ton sac de natation. JP, je pense que toi, t'es allé te baigner un peu trop souvent. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu te baignes, toi? Ben, c'est pas quand je me baigne, c'est quand je me baigne dans une piscine plus... ben, ça me rappelle mes cours de natation, en fait. Ça m'a jamais fait ça à la maison. Mais dans une piscine publique, ouais. J'ouvrais mes yeux, puis ouais. Là, je nageais, tu sais, comme ça. Puis après ça, quand je sortais, ben, tu regardes les lumières, puis ça fait comme des petits arcs-en-ciel. T'es sûr que c'était pas juste des personnes âgées avec un maillot de bain avec des arcs-en-ciel dessus que t'as vu, au loin? Ouais, un speedo. Un rainbow speedo. Ouais. Rainbow speedo. Non, non, c'est ça. Mais je me souviens plus si c'était un arc-en-ciel, mais tu sais, ça... T'as des Lucky Charms. Ah, ça doit être ça. J'ai découvert le secret. La collation après baignade. Oui. Oh. Génial. Sur ce... Merci. Ça fait plaisir. Ça nous amène... Je vais faire une recherche rapide, par exemple, avant de que tout le monde rit de moi. L'arc-en-ciel dans le arc-en-ciel et piscine. On va juste voir ce que ça dit. Je t'en redonne des nouvelles après. Hashtag Rainbow Speedo. Voici Justine aux platines. This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gonna talk about. When I let it all out. Oh. JP a trouvé des piscines avec des arcs-en-ciel dessus. Intégré. Je suis pas fou. Ben, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Justine Renaud, oui. Bonjour à toi. Ah, bonjour, bonjour. Écoutez, je veux vous faire des aveux. Pendant tout ce temps que j'étais pas là puis que je vous avais pas dit où ce que j'étais, moi, j'étais en Californie. Tu voulais pas qu'on te dise pendant ton voyage pour pas te faire voler. Je vais vous avouer, j'ai une peur bleue de me faire défoncer chez nous. Je te comprends. Est-ce que tu t'es déjà fait défoncer, Justine? Non, ça m'est jamais arrivé. Donc, mais tout est bien, hein, qui finit bien, là. On s'est pas fait défoncer, on s'est pas fait cambrioler, rien. Donc, merci, auditeurs, de ne pas avoir vu clair dans mon jeu et de ne pas avoir été volé ma télé 50 pouces dans mon sous-sol. Shit! Oups. J'aurais pas dû dire ça. Oups! En tout cas, allez-y pas entre 8h et 17h, ou je sais pas. C'est ça. Allez-y pareil, c'est pas la mienne. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça, j'étais en Californie et c'est pour ça, en fait, la semaine d'avant, quand je vous ai quitté il y a de ça, mon Dieu, j'étais petite de même. Sûrement un mois environ. C'est à peu près un mois. On avait écouté Lassa de Sela. Oui. Mais dans le fond, j'étais en train de me préparer puis de me lubrifier pour la Californie. Oh là, tiquiti, tapé, tiquiti, tiquiti. Je suis en train de parler espagnol. Ben, il fallait, mais en fait, je me suis rendue là puis il faisait pas chaud pendant tout. En fait, on est arrivé dans le sud complètement à San Diego, il faisait chaud à peu près. Mais après ça, plus on montait, là, à Vancouver, il faisait plus chaud, là. J'imagine. Non, on a tout fait de la côte en auto, en espèce de Ford Taurus couleur taupe. C'était quelque chose. On a escaladé une montagne avec cette voiture-là, sans farce, OK? Puis la compagnie ne le sait pas. S'il vous plaît, dites-leur pas, ça faisait pas partie du contrat. C'est pas ça garantie, ça. Non, 3000 pieds d'altitude, je pense que ça marchait pas. Bref, ça pour dire que je suis pas ici pas en tout pour vous parler de mes vacances, mais plus pour continuer un peu où ce que j'en étais rendue. Et Lassa de Sela, c'est une des artistes hispanophones qui a beaucoup marqué. Ben, c'est comme si j'en écoutais tout plein, des artistes hispanophones, mais il y a eu particulièrement elle qui a marqué mon enfance. Mettons, là, j'étais commencé à être pré-ado. Là. C'était, tu sais, là, tu vas chercher, tu flippes des albums de ta mère ou de ton père, puis là, t'es ah, cet album-là, c'est plein de couleurs. Il y a un arc-en-ciel dans une piscine. Mais un autre album qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, c'est un registre complètement différent. C'est celui de Jean-Pierre Ferland, son album Écoute pas ça. Grand, grand, grand classique. Et donc, moi, en fait, là, quand je repense à mon enfance, puis je repense au moment où ce que j'ai passé au centre-ville, quand ma mère m'a porté au centre-ville pendant le temps des festivals. Oui, oui, utilise mon mot préféré. Festival. Ah, c'est beau. Le festival de la vache. Festival. Ouais. En tout cas, bref, au Parc Champlain, je me souviens, un de mes premiers concerts que j'ai vu à vie, c'était Jean-Pierre Ferland. Hein? Je dormais ses pieds de ma mère. Ah. J'étais fatiguée, c'était tard. Mais je me rappelle que c'était très bon. Puis c'était un peu après la. Ben, en fait, c'était un peu pas mal après la sortie de cet album-là, là, quelques années après. Mais je me rappelle vraiment vaguement avoir entendu là, les chansons de cet album-là. Puis ça m'a beaucoup marqué. La poésie dans cet album-là, moi, m'a complètement foudroyée. Mais avant de continuer, Jean-Pierre Ferland, qui est ce jeune homme? Hein? Oui, c'est parce qu'il n'est pas bien vieux, là. C'est obscur. Hein? Il est né le 24 juin 1929. 1934. Donc, ça fait de lui un petit fêteux national. Hein? C'est un petit Saint-Jean-Baptiste. Il en a vécu, les Saint-Jean-Baptistes. Il en a vécu à Tabarouette. Puis, il a fait revoler toutes sortes de femmes pendant ce temps-là. Oh. Sur scène. Sur scène, oui. Parce qu'il aimait beaucoup fêter sa fête pendant la fête nationale, sur des scènes, donner des spectacles. Puis, en fait, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes un peu inculte. Mais pour vous donner une idée, c'est un auteur, compositeur, interprète québécois d'à peu près immense envergure. En ce moment, JP, non pas JP Ferland, mais l'autre JP, est en train de regarder des photos de Jean-Pierre Ferland. Et je peux vous dire, en fin de semaine, j'ai vu une émission où on le voyait quand il était beaucoup plus jeune. Il était presque Paulette. Non. Bon. Sérieux, mais quand il avait les cheveux coupés, je comprends pas c'est quoi son trip de se laisser. Regarde. Il est là, il est tout beau, là, bon. Les cheveux coupés. Ça, je vois pas ça. Moi aussi, comme vous à la maison, j'ai l'écran à dos, donc exactement. Je la vois pas, mais merci. Mais il était tout beau et tout liché dans le temps qu'il était à la Société Radio-Canada, parce que c'est là qu'il a commencé sa carrière, en fait. Fait que c'est un espèce de petit commis. C'est là qu'il a mis ça. Il a commencé à mettre de la brillantine à ce moment-là, comme dans ses chansons. Il met de la brillantine. C'est dans sa chanson, il dit ça, de la brillantine. De la brillantine. Mais ça, c'est du gel dans les cheveux. Ça. Il faut que tu sortes la langue pour faire la vraie interprétation. La brillantine. Comment aller, Cyrus? Son idole. Oh. Jean-Pierre Ferland, c'est l'idole de Miley Cyrus, évidemment. Moi, lui aussi, il est un amateur de se swinger sur une boule de destruction. Comment t'appelles ça en anglais, en français, une wrecking ball? Une boule de démolition. Ouais, une boule de démolition, là, c'est ça. Hein? Donc, Société Radio-Canada, puis il y a de ses collègues qui l'encourageaient à développer son talent pour la chanson, probablement parce qu'il aimait ça chantonner. Je sais pas pourquoi, ça me donne l'impression que lui, dans les corridors, il devait chanter tout partout. Les chansons têtes de Bobinette, puis les autres émissions. Exactement. Et en 1958, donc 4 ans plus tard, après qui s'est fait engager chez Radio-Can, il a décidé de quitter en compagnie des Bozos dans ce temps-là. C'était un espèce de groupe qui faisait de la musique et de l'humour. Et en 1959, il chante pour la première fois à la télévision de Radio-Canada à l'émission Music Hall, qui a donné naissance d'ailleurs à son premier album, si on peut dire, ses premières années. C'était pas vraiment son vrai album, mais ils en ont fait un album. Mm. C'est un peu compliqué, hein, qu'on dit c'est quoi son premier album. Mais c'est pas celui qui a sorti sous son propre nom là, plus tard. Ouais, c'est ça, c'est compliqué un peu. Puis dans les années qui suivirent, le jeune Ferland gagne plusieurs prix de composition et d'interprétation. C'est assez fou, là, au Nouveau-Brunswick. Bon, tout le monde gagne tout le temps des prix au Nouveau-Brunswick. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, ils ont juste ça, des concours. Des concours, puis la Bitfundy à quelque part. La Bitfundy, c'est tout au Nouveau-Brunswick. La Bitfundy, c'est quoi? La B. La B de Fundy. C'est comme la B du son. C'est ça. Mais une autre. Mais c'est une autre. Ouais, une autre. Ça s'écrit pas pareil. Non. Et il a aussi gagné des prix en France. Alors, ce qui fait de lui un homme internationalement hot, hein, si on peut le dire. Show. Vous êtes hot, JP Ferland. Et en 1970, sort l'album, le très fameux album Jaune, qui marque un tournant pour la chanson québécoise, tant par sa musique résolument moderne que la qualité du son d'enregistrement. Donc, vraiment, on a été chercher là, un monsieur qui s'appelle André Perry, dont le studio, apparemment, avait des vertus super hot pour la musique, faisant en sorte que la musique sortait bien dans tes oreilles. On dit apparemment. Apparemment. Par la suite, vers les albums La Vierge du Québec, mais lui, il a fait en sorte que c'était plus La Vierge du Québec. C'est ça, il t'a pété la cerise après ça. Et c'est ça. Et le Show Business aussi. Et ces deux albums-là entament un virage rock important pour Jean-Pierre Ferland. Et deux ans plus tard, en 1977, il enregistre ce très bel album La Pleine Lune, qui est un mélange de rock progressif et de ballades envoûtantes. Là, un moment donné, il fait tout plein d'albums parce que Jean-Pierre Ferland est aussi prolifique qu'il copule comme un lapin. Ça, il est plus faire rapide que faire lent. Oh oui. You know? Ouais, yeah, he's very precoce in the... in the CD. Je pensais qu'on parlait de faire l'amour. Je sais pas. À un moment donné, il s'absente pendant 8 ans, ce Jean-Pierre Ferland-là. Et en 1992, il revient avec son album Bleu Blanc Blues. Moi, je trouve ça super hot comme nom d'album, sérieusement. Là, qui est un opus dynamique et fort inspiré. Et plus tard, en 1995 sort l'album dont je veux vous parler aujourd'hui. On a abouti, mais c'était aussi vieux, Jean-Pierre Ferland. Il fallait que je passe par une espèce de sentier pédestre un peu bizarre. Oui. Et écoute pas ça. En 1995 sort cet album. J'avais 6 ans. Et sur cet album-là, on peut y retrouver les chansons populaires. Une chance qu'on sait, la musique, Je ne veux pas dormir ce soir, plein d'affaires comme ça, de très, très belles chansons poétisme des plus profonds et que j'apprécie. Et d'ailleurs, le spectacle du même nom, donc sa tournée, dans le fond, dans ce temps-là, il appelle ça des spectacles. Là, aujourd'hui, c'est des tournées. Et a joué à plus de 100 reprises. Donc, écoute pas ça. Les gens ne l'ont pas écouté pantoute, ils ont été écoutés. Ils n'ont pas suivi ses instructions. Ils n'ont pas suivi ses instructions pantoute. Une chanson qui était un peu moins connue, que moi j'adore personnellement, c'est la chanson Aftershave. C'est cette chanson-là que je vais vous faire écouter. Donc, l'après-rasage de M. Jean Ferland dans vos oreilles à Justine aux platines. Assez fou! Regardez-moi, regardez-moi. Ma vie est toute grise autour de ma bouche et dans mes pattes doigts. Autour de ma bouche, regardez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi la voix. J'ai eu des aventures, des dures et des douces, qui me sont restées là. Des dures et des douces. Écoutez-moi. J'ai partout sur la gueule le roman de ma vie. La pédale au plancher, l'amour à tour de bras, tout est écrit là, tout est écrit là. Regardez-moi, regardez-moi. Ma vie se raconte dans mes commissures et mes rides à la fois. Dans mes commissures, regardez-moi. J'ai partout sur la gueule le roman de ma vie. Gagner la pédale au plancher, l'amour à tour de bras, tout est écrit là, tout est écrit là. Je veux que tout le monde m'aime, que tout le monde me prenne dans ses bras. Une seule personne, une seule, qui m'aime pas la gueule, et je ne mourrai pas. Écoutez-moi la voix. Pas une rainure, pas une bride aux yeux, que je n'aime pas. Pas une bride aux yeux. Regardez-moi. J'ai partout sur la gueule le roman de ma vie. Gagner la pédale au plancher, l'amour à tour de bras, tout est écrit là, tout est écrit là. Thank you. écoute pas ça. Tu vas parier. Écoute pas ça. Tu vas mouiller ta robe et tu vas t'ennuyer. J'ai réparé la porte, la chatte est dans le châssis. Je te jure que ça sent pas le pot. Je te jure que j'ai pas bu non plus. Et pourtant je suis sous-mort. Écoute pas ça. Ta crème de jour, ton huile de corps, ton fard à jour me saoule la mort. Les petites culottes que tu m'as oubliées. Y'a des images qui trottent dans un homme délaissé. Je suis dans la cuisine, toi tu es tout partout. Je frotte la mélamine comme si c'était de la cajou. C'est fort. On brûle tout ce qu'on désire, on tue tout ce qu'on adore. J'aimerais ça qu'on se marie. Je te demande en mariage, les mains dans le visage, les anges à l'église. J'aimerais ça qu'on se marie. Écoute pas ce que je te dis. J'aimerais ça que tu dises oui. C'est l'histoire d'un gars dans un IGA qui s'achète la soupe et puis qui bouffe tout seul en face du chapeau de sablon sur le clou du mur autonome. Un homme autonome qui fait dur. J'aimerais ça qu'on se marie, qu'on parte en voyage sans aucun bagage, tout nu sur une plage. J'aimerais ça qu'on se marie. Pas parce que je suis tout seul, j'aimerais ça qu'on se marie. Pas parce que t'es parti, écoute pas ma grande gueule. J'aimerais ça qu'on se marie. J'aimerais ça que tu dises oui. Crème de jour, ton huile de corps, ton phare à jour, me saoule la mort. J'aimerais ça qu'on se marie, qu'on part dans voyage, sans aucun bagage, tout nu sur une plage. J'aimerais ça qu'on se marie. Dis oui, dis oui. J'aimerais ça qu'on se marie. petit. Écoute pas ma grande gueule, écoute pas ce que je te dis. Dis oui, j'aimerais ça qu'on se marie. Écoute pas ça, tu vas brailler. Écoute pas ça, tu vas mouiller ta robe. Écoute pas ça. Écoute pas ça. Bouche tes oreilles. Écoute pas ça. En fait, je pense que tout le Québec aura jamais écouté les sages paroles de Jean-Pierre Ferland parce que cet album-là, Écoute pas ça, aura été tellement important dans sa carrière. C'est vraiment un tournant où ce que, suite à 8 ans d'absence, il a pu regagner un peu la confiance musicale des Québécois et vraiment redorer son image. Puis là, aujourd'hui, ben, il a, en tout cas, à mon avis, il s'est laissé un peu aller là, avec la fameuse émission. La chose, là. C'est pas bien connu, là. C'est le l'animateur. La gorge, le chant. La chaud, non, la glotte. La glotte. Je cherchais la glosette. La glacette. Au pilote. Exactement. Ouais. Donc, Jean-Pierre Ferland, il ne faut pas pour autant là, penser là, qu'il ne fait plus de la bonne musique. C'est juste qu'il est moins frais qu'avant. Best before. Mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là, surtout pour ses textes qui sont d'une... vraiment, là, juste... C'est à couper le souffle. Si vous prenez juste le temps de lire ces textes-là, moi, j'avais des petits livrets dans l'ancien temps. Là, des CD, ça venait avec des petits sur livrets. Sur Papyrus, en 1934. Sur Papyrus. Puis je lisais ces textes et je trouvais ça tellement beau. Mm-hmm. Tellement beau. Fait que là, en fait... la semaine prochaine, il y a tout ça de la radio le jeudi. Il nous reste deux semaines complètes, la semaine du, je crois que c'est le 9 et du 16. Exact, Mathieu. Et on t'accueillera si tu en as envie ces deux semaines-là, oui. Quand tu veux, quand tu n'as pas le temps. Parce que là, j'ai une idée là, de qu'est-ce que je vais parler la prochaine fois. OK. Parce que dans le fond, tu sais, là, j'étais encore en préadolescence, là, chronologiquement, là, dans mon avancée, dans ma chronique Justine aux platines. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, on écoute ça dans le temps, là, ce que t'aimes. Ouais, okay. Ouais. Fait qu'on a commencé là, avec un No Doubt, là, ça de celle-là. Là, on était rendu à Jean-Pierre Ferland, mais la semaine prochaine, je pense que je vais opter pour Jean Leloup. Ah! Oh. Parce que ça, c'est vraiment la musique que j'écoutais quand j'étais petite. C'était assez pour te fucker ça. Moi, là, juste le clip Go Johnny Go, où il y a des gens qui... C'est soit dans celle-là ou dans l'autre, le monde est à pleurer, mais ces deux clips-là m'ont vraiment là, beaucoup bouleversé quand j'étais petite. Puis c'est tout ce que j'avais à dire. Hein? Je vous ai vendu un peu le poche de la semaine prochaine, mais j'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche ou la cire aux oreilles pour venir m'écouter. Ou la à mousse, la même heure. La mousse de rage de loup, tu sais. Un loup qui l'écume, a rage. Dis pas de la mousse, puis je pensais que tu t'en allais dire nombré. L'écume de bouche. L'écume de bouche. Voilà. Merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. Dorénavant, il va falloir t'appeler autrement parce qu'on a découvert que dans l'équipe permanente de C'est fou, t'avais, bon, Dani, hein, t'as Virginie, hein, t'as Stéphanie, Alain. Fait que Ali. Ali McBeal, on va le demander. T'as Jean-Phi, oui. Philippe Charbonneau, Mathie, Eupland, et là, c'est Justine Renaud. Ouais. Renaud. On dirait un nom africain, Justine Renaud. Ngambo. Moi, ça marche seulement si j'ai un apostrophe. Oui. Fait que je vais. Ça me dérange pas de changer de nom, mais il faut l'apostrophe qui vient avec. Parfait. On va t'apostropher ça dans la page. Valeur ajoutée. Ouais. Ça fuck les gens. Tu sais, quand même, mettons, t'as un formulaire puis que t'as des petites cases. Est-ce que tu mets ton apostrophe avec la lettre d'avant, oui. Avec la lettre d'après ou dans une case tout seul? Moi, ce qui mélange avec ça, c'est que ça rentre jamais mon nom. C'est bien trop long. Jean-Philippe Chabalot. Tu sais, le gars, il a juste deux prénoms et un nom de famille. C'est quand même relativement commun. Bah, c'est pas si long que ça. Il y en a des pires. C'est pas Félix-Antoine Desilets-Rousseau, mettons. Mettons, exemple comme ça. Mettons, en plus, que j'ai une carte, puis on va l'appeler comme ça, crédit. Mettons. Ça rentre pas. Mais eux, ils ont comme pas une case. Sur la carte, physiquement, ça rentre pas, mon nom. Fait qu'au lieu de marquer, mettons, J, trait d'union, P, Charbonneau, ouais. Ce qui serait vraiment logique. Ou J, P, P, Y, comme on l'écrit nous. Ben oui, oui, ou G, A, P, E. Jappy. Jappy, mon toutou, Jappy. Ben, ils ont juste retranché le U de mon nom de famille. Fait que là, à chaque fois qu'ils m'appellent, oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à M. Charbonnéa? Là, je suis comme, là, je sais tout de suite qu'il faut que je raccroche. Je sais exactement ce qu'il veut. je sais ce qu'il va me dire. Fait que je suis comme, oh non, pas possible, pas possible. Là, je raccroche. C'est génial. C'est fou, hein? C'est une belle anecdote de vie, ça. Vraiment. Puis j'ai rappelé un moment donné, j'ai dit, yo, tu peux-tu comme changer mon nom? Puis elle a dit, oh non, pas possible, pas possible. Pas possible. C'est leur patois, vraiment, c'est leur catchphrase dans cette com de la vie. C'est pas possible, pas possible, pas possible. Mais moi, mon vrai nom, c'est Mathieu Tousignan en plan. C'est aussi long que ça, tu sais. Tousignan, c'est foutrement long comme nom de famille. Tousignan. Je m'en sers pas non plus. Je connais des Tousignans, ils sont bien fins. Je les salue. Allô, les Tousignans. Salut tous, Ignan. Oui, Mathieu, je veux ce petit bout-là. Juste ça. Oui. Est-ce que tu veux faire les péripéties de Mathieu avec ça? Parce que dans les péripéties de JP, là, on prend des extraits, on lui fait enregistrer des affaires. Ça joue le mercredi à 9h, cette chronique-là, les péripéties de JP. C'est délicieux. Délicieux. Et on demande à JP de venir dans notre bureau du producteur d'Annie Janvier. On lui demande d'enregistrer des choses, tu sais, fait des affaires. Ça. Dis, OK, c'est quoi? Fais un doublage de film de qui? Oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai eu à faire. C'était génial. Oh! Mon travail me stresse. Fallait être là. Donc, suivez ça les mercredis à 9h. On va lui faire d'autres affaires comme ça. Puis peut-être moi un jour aussi. Oh. Justine, tu pars, tu restes? Ben là, je peux rester une couple de minutes avec vous autres en votre compagnie, là, pour que vous me réchauffiez. OK, on se colle tous ensemble? Oui. Un, deux, trois. Ah. Bon, tu vois, elle a fait tomber. On dirait David Ferron, t'as fait tomber le micro. En se pognant après, tu sais. On dirait vraiment David Ferron. C'est pas un sport reproche. Je me pognais après comme Miley Cyrus sur une boule de avec la langue sortie puis le cul des airs. Cette concertation vocale là, vous avez vraiment les mêmes effets sonores de voix de mi la la la la la do do do. Faites vos vocalises ensemble le matin en vous réveillant. Ouais. Ben oui, puis on chante notre chanson. Toutes les chansons, on chante notre chanson. C'est quoi notre chanson déjà? Je pense que si on allait en pause là, on aurait une chanson qui jouerait. Mettons, on va la chanter. Un deux, un deux trois quatre. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce jeudi 5 décembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Merci beaucoup. Justine Renaud est avec nous encore et toujours. Toujours en chair et en os. Bientôt, je vais être d'une autre forme. Ah! Multiplication, déformation, division. Mais c'est que souvent les gens ils me demandent si je suis en forme. Là, je leur dis je suis en forme de cœur. Mais là, matin, j'étais un peu scrap parce que j'étais fatiguée. Donc, mais là, peu à peu. Non, ben, oui, plus comme carreau. Carreau. À matin, carreau bien piquant. J'aime ça. T'as été mis carreau. Carreau. Merci. On écoute. Est-ce que je peux? Mo avec XXX et 88 featuring Diplo. C'est-tu ça que tu nous as choisi? Diplo, ouais. Diplo, c'est tout prononcé mal. Diplo. Non, vous allez adorer ça. Faites juste écouter avec vos oreilles. C'est Diplo featuring Tupperware. Diplo Tupperware. Oh! Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mo. Oh, c'est bon. Feel the water flows, I watch him go. Boy, life is cynical, despite my heart of gold. Oh no, buddy, don't you cry as it goes. Life changes all of us, it's not your fault, no, no, no. Oh, what did the orange do? Et bon, avec XXX88 featuring Diplo. Diplo? Ouais, c'est ça. C'est ça? On a compris à la fin qu'elle disait Diplo? Oui. C'est ça. Donc, tu lui demandais comment s'appelait un O avec une barre dedans, comme oui, dans le nom de... parce que mot, en fait, c'est M avec un O avec une barre dedans. Oui. En fait, comme les Suédois, ils ont ça, des O avec une barre dedans. L'absence de O, dans le fond. C'est pour dire, là, il n'y a pas de O. Mais sans pas à la place, hein, c'est plus simple. Moi, j'appellerais ça un cassé. C'est ça. Mais ouais, mot n'est pas original là-dedans parce qu'en fait, il y a un groupe qui s'appelle The Doe. Puis ouais, c'est D avec un O avec une barre dedans. Mmh. Fait qu'elle, c'est juste la deuxième à utiliser un O avec une barre dedans, à part tous les Suédois qui ont un O avec une barre dedans. Ah, oh, j'adore cette musique. Oui, c'est bon, hein? Une jeune femme avec une couette un peu lette qui rappelle un peu la grâce ou la non-grâce de Carole et de son prochain. Les vidéos sur YouTube. Qui connaissent Sylvie Tourigny qui fait le personnage Carole et de son prochain. C'est un O barré. C'est un O barré, ça s'appelle. C'est un O barré. Oh mon Dieu! La lettre O barré obliquement. Barré obliquement. Ben, ah, c'est Danemark. On la nomme. Ouais, Danois, oups, Norvégien, puis Féroin. Ben, Féroin. Oh non, check, il écrit suédois, là. Et turc. Je pensais que tu... Non, c'est correct. Et oui, ben, bon. Hein? Oui, ben, là, là. I'd like to call a friend. 50-50. Donc, c'est tout. Hein? Intégralement, un mot complet qui signifie « île ». Tu peux écrire juste ça, puis ça veut dire « île ». Île comme une île déserte? Une île déserte. Oui, hey, comme je suis le nouveau île. Check, en danois. Oui, ben. Le haut barré est également un mot complet et signifie île. Ah, mais ça veut dire qu'elle s'appelle Mill. Mill. Mill. Mill. Droit dans le mill. Oui, mill pat. Donc, toujours assemblage requis. Oui. Oui. On voulait parler. Je pense. On va y aller avec la prochaine chronique, ça ne me dérange pas trop. Ouais, parce que François Landry s'en vient avec le Gocassi 101 tantôt, dans quelques vite minutes. Je sais pas si le haut 1-0, une barre. Fait que c'est peut-être 1-1. Pour François Landry, on sait pas. Au bingo, bientôt, ils vont dire « Alors, je sors le zéro avec la barre dedans. » Au lieu de la 6 avec l'évolution de la langue. Ouais, ouais. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ben écoute ça, on va te dire comment ça marche, moi, la vie. Les instructions d'assemblage, c'est la chronique où on vous présente des trucs et astuces pour la vie de tous les jours. Et toujours avec Justine et Jean-Philippe qui vont m'aider à voir si c'est vrai ou faux. Oui, on va les tester live. Live. Commençons par comment devenir le maître de la sieste. Hein? 48% des Américains disent manquer de sommeil. C'est quand même presque la moitié. 34% des gens font des siestes régulièrement. C'est pas beaucoup. Ah oui. Non, mais moi. Je suis pas américaine, mais je fais des siestes. Ben, sûrement que américain, c'est nord-américain. Je pense qu'on peut s'inclure là-dedans. Et 6% des endroits où on travaille, des bureaux, ont des places désignées pour faire des siestes. 6%. Parce que ça aide à la productivité, évidemment. Donc, ensuite, il y a une liste sur totalbeauty.com. J'ai mis le lien sur assemblagerequis.com de différentes façons de prendre des siestes. Par exemple, la power nap. Ça, c'est quand tu fais entre 10 et 20 minutes. Oh oui. Ah oui, moi, je suis bonne là-dedans. C'est les meilleurs. Il faut faire attention de ne pas excéder 20 minutes parce que tu scrapes. Ah, exactement. Tu passes de rire et tu te réveilles le lendemain matin. On va en parler tantôt. De on va parler de la... Ah, OK. On va parler de la position tantôt pour bien faire une power nap plus tard. Oh. Ça, c'est mieux pour revenir au travail. Vraiment, 20 minutes, ça va tout de suite te remettre sur le piton. La sieste NASA, ça dure 26 minutes. C'est prouvé par les scientifiques. Ça améliore la performance des pilotes de 34% et leur niveau d'alerte de 54%. C'est tout ça? 54, les chiffres sont tellement laids là-dessus. La mauvaise sieste, c'est 30 minutes. Ça cause de l'inertie du sommeil. Donc, c'est comme un genre de hangover du sommeil. Faut pas faire ça. C'est pour ça que je me réveille tout le temps étourdi. Étourdi. Inerte. Oui, inerte. T'as le slow wave qui dure 60 minutes. Ça aide la mémoire cognitive. Ça aide à se rappeler d'endroits, de visages et de faits. Donc ça, c'est 60 minutes. Et t'as le full cycles, le full sleep cycle nap. Vous savez, un cycle du sommeil, c'est 90 minutes environ. Donc celle-là, c'est 90 minutes. C'est un cycle complet. Et il y a des gens qui dorment comme ça à la place de dormir pendant 8 heures une fois. Ils vont dormir en période de 90 minutes à travers la journée. Surtout les travailleurs autonomes, je pense. Mais ça fonctionne bien. Et c'est plus efficace qu'un vrai sommeil, pour vrai. En fait, les humains sont faits pour dormir comme ça, apparemment. C'est vrai. Ensuite, l'heure idéale pour faire une sieste, selon vous, qu'est-ce que c'est? Tout le temps. En permanence. C'est sûrement en après-midi. Oui. Mais pas tout de suite après dîner. Non. Moi, je dis 3 heures. Ben, pas mal, c'est entre 13h et 16h, donc 3h serait pas mal le milieu. La moyenne. Mon Dieu, je te veux dans mon équipe si je vais à Who Wants to Be a Millionaire. On parlait de la position de sommeil idéale tantôt, c'est de dormir sur le dos, avec le dos relevé, donc un peu comme dans une chaise avec un genre de semi-dossier, là, comme une chaise de psychologue, qu'on pourrait dire quasiment. Un hamac. Un hamac, attends, oui. Il y a un nom pour une chaise de psychologue, ma belle-mère en a une. OK, alors, elle va pouvoir faire des siestes réparatrices. Je sais pas. C'est pour éviter le sommeil profond, donc d'avoir le dos un petit peu relevé, ça va t'empêcher de dormir profond. La lumière parfaite pour faire une sieste, c'est d'être un petit peu plus sombre que la normale, mais pas complètement noire. Ça va stimuler la mélatonine de ton cerveau pour te faire mieux dormir. Ouais. la température idéale pour prendre une sieste, c'est d'être entre 60 et 68 Fahrenheit en degrés Celsius. T'as-tu ça rapide, toi? J'ai une application de conversion sur mon iPhone, mais j'ai oublié de la sortir. Entre 60 et 68 degrés Fahrenheit, c'est la température parfaite. C'est bol, on s'en va tout au biodôme, puis on se trouve une place qui fait toutes ces conditions-là, puis on part. Évidemment, si tu la trouves, tu me le diras, mais sinon, je vais aller avec les accessoires de sieste. On dit de tenir proche de soi un crayon pour si jamais t'as... En fait, c'est que si tu tiens un crayon dans ta main, et quand le crayon va tomber par terre, ça va te réveiller. C'est que tu vas être rendu à la période, au moment où t'as réveillé. On dirait tellement Inception, là. Oh mon Dieu! J'ai pas vu ça, dis-moi pas ça. Pas de spoiler ici! Donc, tu tiens un crayon pendant que tu t'endors et ça va tomber par terre et te réveiller. Il y a du café, ça on en reparlera. Il y a un téléphone cellulaire avec une alarme pas agressante pour te réveiller à l'heure, pour te réveiller tranquillement de ta petite sieste. Non, toi, tu ne suggérerais pas ça. Que ça marche pas, non? Les alarmes douces. Ouais, moi, je mets l'alarme genre sur iPhone et j'ai de la misère à me réveiller. Ouais. Ben, vas-y. Non, mais on parlait de. C'est quel degré? 60 à 68? 60, c'est, mettons, 16. OK. Puis 68, c'est 20. Donc, entre 16 et 20. Plus frais que la normale, mettons. Parfait. C'est comme une normale saisonnière. Sinon, viens dans ton bureau au fond du corridor, t'es tout le temps à 13 degrés Celsius. Ouais, ça va être trop froid. Ouais. Faut être un petit peu plus chaud. Pour l'alarme cellulaire, je veux juste corriger ce que je disais. Ça dit une alarme forte, mais pas agressante, donc pas nécessairement douce. Donc, fort pour te réveiller, mais pas agressante, comme ça va faire. Tu vas voir faire ça dans ton téléphone. Une chanson de Jean-Pierre Ferland, fort. Genre. Marché, la brillantine. Et on te suggère un masque aussi sur les yeux. OK. Non. C'est un bain masqué. Moi, je pensais à un autre genre de masque. Oh. Parce que je travaille en labo, les masques, c'est par-dessus la bouche. Ah. Ou un masque d'air pur. Mm-hmm. D'air pur. Oui. Donc rien, c'est ça? Non, mais... D'oxygène. Hey, aux États-Unis, il y a ça, des barres à oxygène. Je ne niaise pas. Je suis pas allé. Il y a ça au magasin pour faire gonfler les ballons. Il y a un bar d'hélium au Carrefour 3. Oui. Bar à hélium. Hey, ça, là, arrêtez d'acheter des ballons à l'hélium. Je vais vous faire une parenthèse. L'hélium, là, ça a quelque chose de très important dans la science qui s'appelle un RMN. Puis plus vous en utilisez, plus ça s'envole dans les airs. Plus ça s'envole dans les airs, plus on n'en a pas. Puis on peut pas aller là, en haut, là, dire hey, on revient ici, l'hélium. L'hélium, c'est trop léger. Fait qu'on est en train de perdre l'hélium qui serait super important pour faire des découvertes super importantes. Fait qu'arrêtez d'acheter des ballons à l'hélium. Des ballons à l'hélium. Ben, c'est une bonne idée d'arrêter. Continue avec ton. J'ai jamais commencé. De toute façon, j'ai jamais commencé à utiliser de l'hélium. Oui, non, non, je parle de tes siestes. OK. J'ai tellement coupé. Comment qu'on va pouvoir faire nos voix bizarres? Allô, là, trouve un moyen. OK. Trouve un moyen. Il y a une application sur iPhone, je suis sûr. Oui. Les amis, c'est sûr. Oui. Est-ce que vous avez des choses en cuir qui ont des taches dessus? Des taches de boîte, par exemple? Est-ce que vous avez renversé quelque chose? Non, je comprends pas. Paniquez pas, il y a une façon facile d'éliminer ces taches presque immédiatement. Utilisez un mélange de vinaigre et d'eau froide pour frotter les taches sur votre cuir. Votre cuir va sentir le vinaigre pendant quelques temps, mais ensuite, utilisez du Febreze pour masquer l'odeur du. Pour l'enlever, parce qu'il y a du Febreze pour enlever les odeurs aussi. Pour enlever l'odeur du vinaigre. Ouais, peut-être que ça fonctionne pas, mais bref, vinaigre et eau froide. Ah, c'est bon. Voilà. Le vinaigre et l'eau froide, c'est bon pour bien des affaires. Les miroirs, entre autres. Du vinaigre de straight pipe cru pour le miroir, c'est encore mieux. Ensuite, un milkshake à la banane est une des façons les plus simples, les plus faciles à faire pour éliminer un hangover un lendemain de veille. Donc, du milkshake aux bananes. Aux bananes. Puis à la limite, si t'es malade, ça goûte bon, vomir ça. Ça goûte bon. Moi, je trouve ça très important. Quand t'es sur le bord d'être malade, mange quelque chose que tu vas vouloir qui ressort. C'est vrai. Ça va goûter les médicaments pour enfants hein, qu'on avait tout à l'heure. Banane, c'était bon ça. Prenez des notes sur les idéologies politiques de vos professeurs à l'université, OK? Ça va vous aider. Vous allez pouvoir en profiter quand vous allez écrire des textes à peut-être insérer des petites idées que ton professeur a. Il va dire comme « Wow, il doit bien être déjà ce gars-là » puis il va donner une meilleure note peut-être. On sait pas. Ça pourrait arriver. Les idéologies politiques. Amenez des serviettes javelisantes à la table de pique-nique. et vous allez pouvoir passer la petite lingette javelisante sur la table et les mouches vont rester au loin, les insectes vont s'éloigner parce qu'ils n'aiment pas cette odeur-là. Ouais. Des lingettes javelisantes. Des lingettes, le genre de nettoyage, genre Lysol. Ils font ça, des petites serviettes humides, préhumidifiées, que tu sors d'un genre de gros cylindre. Ouais. Quink, tu mets ça sur... OK, mais c'est pas javelisant, par exemple. Il y a du javel dedans, genre, du javel? Si on veut, oui. De l'eau de javel dedans. Ça déteint le linge. Ils en font de ça. Tu connais-tu la toune Javi, Javel? Non, mais à la bonne. Futur succès, la projection. Mettez des petits sprinkles, genre de bonbons, tu sais, à gâteau, si on veut, des petits trucs de couleur de gâteau, au fond d'un cornet de crème glacée, OK? Pour pas que la crème glacée sorte du cornet. Ça, hein? Tu sais? Oh mon Dieu! C'est plus gros que juste que ça sorte dans le... Ça, c'est comme quand t'arrives à la fin du drumstick. Oh man, ah, ça, c'est le moment jouissif de ma journée. C'est incroyable. Il y en a un au bar de Pinot, là, t'es cœur. Ah ouais, le gros mouton. Oh. vous avez besoin d'une bonne idée pour un rendez-vous galant pour copains, copines. Demandez-leur ce qu'ils recommanderaient à quelqu'un d'autre comme rendez-vous. Tu sais, j'ai quelqu'un qui s'en va en date. Là, qu'est-ce que tu leur suggérais? Tu prends sa suggestion et tu fais ma faveur pour lui. Ooh. Bonne idée. Ouais. Uh-huh. Ben oui. Mais c'est pas très original. Pas très, très. Là. Faut que tu fasses ça, mais comme un an d'avance. C'est ça. Le temps qu'elle l'oublie. Exact. Ici, un petit conseil, là, genre vraiment anodin. Là, et encore une fois, je vous dis pas comment éduquer vos enfants. Là, mais la façon que vous parlez à vos enfants, OK, va devenir la petite voix à l'intérieur qui va leur dire, leur petite conscience. Genre, ça va devenir, tu sais, quand vous commencez jeune à lui dire des choses, des bons renseignements, d'une façon de vivre leur vie, un peu comme je fais là, ma voix sera peut-être celle de vos enfants dans leur tête un jour. Oups! Ça, les malaises, les mauvais jeux de mots, ça va rester dans leur tête. Mettez une bonne chanson comme petite sonnerie pour que quelqu'un vous appelle, mais que vous aimez pas. T'sais, mettons quelqu'un que t'aimes pas, t'appelles, tu lui mets une bonne sonnerie, comme ça au moins tu vas pouvoir écouter la chanson en l'ignorant, genre, en laissant juste sonner puis en répondant pas. La la la la, j'avais là, c'était quoi ta chanson? Mets ça pour Jean-Philippe, tu sais. Ben oui. Quelqu'un que t'aimes pas. Ben oui, tu mets ça. C'est pas vrai. Puis t'attends. C'est ça, t'attends. De jamais je te ferai ça. Là, tu écris un message texte. Désolé, je suis en auto. Je peux pas te parler, je suis en auto. Si je prends le téléphone, je vais faire un accident à cause de toi, puis ouais. Je t'aime déjà pas. Le fromage cottage et la crème sûre vont durer deux fois plus longtemps. Si vous versez le contenant à l'envers, ça va former un genre d'effet vacuum, là, genre d'aspiration de l'air, et ça va empêcher les bactéries. Et là, c'est Justine qui va me répondre parce que c'est elle qui connaît les bactéries. Hein. Mais est-ce que tu penses que c'est vrai que si tu prends un pot de crème sûre, tu la vires à l'envers, ça va faire un vacuum, mais ça va empêcher les bactéries de se créer? Absolument, mais ça empêche seulement les bactéries qui sont aérobiques strictes, ce qui veut dire qu'il y a des bactéries qui peuvent vivre avec l'oxygène, il y a des bactéries qui peuvent vivre sans oxygène, sans air du tout. Là. Fait que les bactéries qui vivent sans air, eux autres sont comme « Yes! » Mais il ne devrait pas y en avoir. Donc, ce que j'ai retenu de ça, c'est oui, mais sniffez-le pareil pour être sûr qu'il est encore bon. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est le même principe avec les cannes de bouffe. Là. Vous avez des cannes de bouffe, puis la majorité, à peu près 99,9999% de vos cannes vont être bien correctes. Sauf qu'il y en a des cannes qu'il va y avoir des bactéries qui auront proliféré et qui sont anaérobiques strictes, donc qui survivent seulement en absence d'oxygène. Et c'est le botulisme, la même bactérie dont on injecte la toxine chez les madames qui trouvent qu'ils froncent trop leurs sourcils et qui voudraient arrêter de contracter leurs muscles de front. Du Botox. Le Botox. Okay. Bref, on est passé du cottage au Botox. Anaérobie, c'est évidemment, c'est la sœur d'aérobin. Hey! J'ai déjà fait du bootcamp aérobin. Booty camp? Non, du bootcamp. OK, pas comme Miley Cyrus avec du booty camp. Non, il manquait la boule de déconstruction. De déconstruction. Puis, mettons, au party de Noël, ouais. tu vas être toute chic, tu vas avoir un Botox. Un Botox. 8h26. Hein. Ouais, en direct. En direct. Oui, c'est ça, exact. Si vous aimez pas, mettre des gouttes dans vos yeux. Ah, j'ai ça. C'est dégueulasse. Hein? Passez la bouteille sous de l'eau chaude pendant quelques secondes, ça va réchauffer la solution et vous allez pas sentir les gouttes dans vos yeux. Mais... Deux fois dans la même mission que son micro tombe. Faut que tu le visses au complet. Je sais pas si t'avais ça. Je vais arrêter de me balancer. S'il te plaît. Elle fait du workout. I work out. I work out. C'est mon micro. 5, 6, 7 et 8. Les gens qui se plaignent vivent plus longtemps. Ça relâche la tension et ça augmente l'immunité et ça améliore ta santé au complet. Donc, mon chandail qui dit... qu'est-ce que ça dit? Complaining. Ah oui, c'est les deux petits vieux dans les mopettes, exactement. Mopettes. Donc, se plaindre, ça fait que tu vas vivre plus longtemps. C'est le fun à savoir. Mm-hmm. Non, c'est pas le fun à savoir. Ça veut dire que quand vos parents vont être dans une maison de vieux puis qu'ils vont chialer, ils vont vivre plus longtemps. Ah, ben, au moins, ça sera plus notre problème. Ça sera le problème des gens qui travaillent là. Si tu dois travailler toute la nuit, OK. Fais une sieste de 15 à 20 minutes avant que le soleil se lève. Se lève. Se lève. Quoi? Se lève. Ah, ça, c'est quand t'as une petite crotte sur le bord de la lèvre. Et ton corps va se resetter un peu, comme on disait tantôt pour les siestes. Donc, tu te souviens plus de rien. Ouais, c'est ça. Ton étude aura servi à rien. Ah non. En tout cas, 15 à 20 minutes avant le lever du soleil, ça va aider. Puis pour savoir le lever du soleil, allez voir sur météomedia.com. Non, mais tu sais, il y a vraiment l'heure exacte. Tu le vois bien que le soleil va se lever quand il commence à faire un petit peu un degré ou deux de plus clair. Un degré plus clair? Non, mais c'est quand même long quand le soleil se lève. Fait que là, tu vas prendre ta sieste là, non? En tout cas, je le sais. Quand le soleil... En tout cas, laisse faire. Dormir, on dit que dormir sur le côté droit, OK? Ça va t'aider à tomber endormi plus rapidement que de dormir sur le côté gauche. Quoi? Ouais, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est... Moi, je suis tellement un gars de dodo sur le côté gauche, là. Je dirais que ça dépend, mais je dors tout le temps mal à cause du mauvais matelas que j'ai. Que, ben, moi, je dors sur le ventre. Ah, ça, c'est pas bon pour ton dos, man. Mon dos, man. Domoto. Domoto, de comment? Non, c'est pas vrai, ça. C'est correct si ton lit est suffisamment ferme. Ah, ouais, OK, ouais, c'est ça. Exact. OK. Il faut que t'aies un soutien pour que ta colonne vertébrale soit droite aussi. Ouais. Bref. Merci. Ah, les ordres du médecin. Non, mais c'est mon chiro qui m'a dit ça. Quand on joue à roche-papier-ciseaux, ici, ça ressemble plus à un site un fait qu'à une instruction d'assemblage, mais vu que ça va vous aider à gagner, je l'ai mis dans l'instruction d'assemblage. Quand tu joues à roche-papier-ciseaux, les femmes ont plus de probabilité de jouer les ciseaux, ironiquement. Ah, ben. Et les hommes ont plus de chances de jouer la roche. Ah. Selon une étude. Pis qui joue le papier à part Hitler? Ça, je pourrais pas te dire, mais justement, peut-être qu'elle va pouvoir déstabiliser l'autre personne en jouant le papier. Je sais pas. Ah. Cassé. Bailler ne veut pas toujours dire que tu es fatigué. Ça veut aussi dire que ton corps a besoin d'oxygène. Uh-huh. Vrai, ça? Ouais. C'est vrai? Mon corps a besoin d'oxygène depuis 24 ans. Poil et corps. Poil et corps. Ton poignet. Poil et corps. Hallmark fabrique des cartes. Joyeux divorce. Si jamais ça vous intéresse. Ah, wow! Joyeux divorce. Vous me dites quand arrêter, n'importe quand, on est rendu pas mal à la fin. Si t'as besoin d'être motivé, prends une douche. Parce qu'être propre, c'est pas juste le fait que ça va te réveiller. Hein. C'est qu'être propre, c'est prouvé selon une étude que ça améliore ta productivité. Ah. Tu sais, quand t'es graisseux, tu le sais, puis tu penses rien qu'à ça. Je sais pas. T'essaies d'écrire, puis si ça glisse, il y a trop d'huile. C'est ça. C'est parfait pour cuisiner, par exemple. Oui, ça, c'est parfait. Il y a un site qui s'appelle viberly.com, V-I-B-E-R-L-Y.com. Si tu veux le taper, j'en fais juste pour voir s'il fonctionne encore. V-I-B-E-R-L-Y, qui va te donner un abonnement gratuit à ça Netflix. Marche. Ça marche. Merci à vous deux ordinateurs, et j'en ai un aussi devant moi, puis bon. Viberly.com va vous donner un abonnement à Netflix gratuit. Et là, je sais même pas si ça fonctionne ailleurs qu'aux États-Unis. Je me suis pas renseigné du tout. Mais en échange de mettre un autocollant sur ton laptop, genre de Viberly. Je trouve que c'était une bonne idée. Fait que, tu sais, chercher des offres comme ça, genre des affaires gratuites en échange d'un autocollant. C'est comme pour la vie, là? C'est un abonnement gratuit à Netflix. Ouais, mon moins, il n'y a pas de tatoué sur ton chest. Ouais. Tu sais pas. Moi, non, il y a trop de poils. Dis-moi pas quoi faire, c'est pas maman. Il était en bédaine, mais on le voit pas. Je suis habitué, c'est rendu. C'est pour ça qu'il est pas là le jeudi d'habitude. Si t'as à nettoyer du vomi, mets du café moulu sur le vomi en premier, ça va enlever l'odeur et va déshydrater le vomi. Ensuite, tu vas pouvoir le balayer. Ah, ben, tu sais, j'aurais voulu savoir ça dans le temps que je travaillais au Subway Centre-Ville, où je ramassais ça à peu près à chaque jour. Hey, as-tu essayé le nouveau Sriracha, Subway? Oui, j'allais essayer, mais aux États-Unis, puis c'était un poulet. C'était pas au steak. C'était un poulet? Mais je veux savoir si c'était complet. Bon. C'était pas bon? Ben, oui, okay. C'était correct, là, mais je veux dire, ça goûtait épicé, mais j'ai pas goûté le Sriracha. Moi, j'aurais dû lui demander un cup de sauce à côté. Oui. Mais le service était tellement médiocre que j'avais juste le goût de dire l'espace médecin. Si t'as une présentation à faire, un genre de PowerPoint, mettons, et un compte séparé sur ton ordinateur, sur l'ordinateur, tu peux faire un compte pour tout le monde, pour être sûr que des affaires gênantes se présentent pas sur ton écran quand t'es en pleine présentation, tu sais. Genre, mettons. Tiens, boire plus d'eau, c'est une bonne chose. On en parle souvent de boire de l'eau dans la chronique Instruction d'assemblage. Une canette de liqueur par jour va augmenter tes chances d'avoir un diabète de type 2 par 22%. Wow! Donc, non, plus 22%, c'est pas tant que ça, en passant, là. Ben, je veux fait juste prenons vous le dire. Risque, hein? C'est ben ça? Non, mais je veux dire... C'est considérable, là, mais c'est pas si pire que ça. 200%, c'est deux fois tes chances. Fait que là, c'est comme genre, t'es en train de dire, là, c'est 1,22 chances. En tout cas, laisse faire. Laisse faire! Je suis vraiment trop détaillée dans mes statistiques. Non, mais j'aime ça d'avoir des détails comme ça. Des détails. Ah oui, je suis un détail, moi. Est-ce qu'on. Vous me direz celui qui vous plaît le plus pour qu'on termine, parce que ce serait le fun qu'il peut-être terminer bientôt. Le deuxième. OK, le deuxième prochain. Après 9 heures de sommeil, ton corps va commencer à utiliser de l'énergie, pour rester endormi. C'est pour ça que quand tu te réveilles, tu te sens encore plus fatigué quand tu dépasses le 9 heures. Non, Dis-moi ce que c'est faux et dis-moi pourquoi. Non, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, mon corps fonctionne pas de même, moi. OK, ben moi, non. Plus je dors, mieux je me sens bien. Pour vrai? Non, à un moment donné, tu deviens comme super de mauvaise humeur quand tu dors trop, non? Moi, ça fait ça, c'est non, ça. Non, moi, ça m'arrive d'être de mauvaise humeur lorsque je fais une sieste, genre dans l'heure prescrite, mais que je fais une sieste de 4 heures. OK. Ouais. Mais veux-tu un autre détail? Oui. OK. que dormir pendant plus de 9 heures, ça peut endommager ton système immunitaire, nous dit-on. Moi, je termine là-dessus. Si on me dit pas le contraire, je finis là-dessus. C'est un drop de mic. Flac. Est-ce que c'est un assemblage, yo? Hier, je me disais que ça serait le fun de dormir 24 heures. Oui, une fois ou plusieurs fois? Juste une fois. OK. Ben, je le ferai là. OK, ben, commence là, puis on te laisse... On se revoit lundi. Les gens vont pouvoir te parler en ondes dans tes rêves. Peut-être qu'on va devenir la voix intérieure comme un enfant, puis tout ça. Mm. Ça va être le fun. Mais t'imagines-tu dormir 24 heures? Si tu te réveilles, t'es comme, bon, c'est jeudi. Le monde a changé. Oui, c'est ça, tout à coup. Non, c'est vendredi. Okay. Va pas sur Facebook cette journée-là. Hey non, t'imagines, débordé, man. Au moins 4 heures à rattraper dans c'est la file d'actualité. Après la pause, la chronique Logocratie 101 avec François Landry. Restez là. Bonne sieste. Oui. Tu sais que je joue du piano dans mon sommeil. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 5 décembre 2013. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Jeudi qu'on est jeudi. Jeudi, oh! Justine Renaud qui est toujours avec nous aussi, si jamais elle veut participer. Oui. Oui. Alors qu'on accueille François Landry, voici son segment politique Logocratie 101. Oui. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Ça va? Oui, toujours bien. T'es toujours... Trop bien. je contracte mes mots. C'est ça. T'es toujours prêt pour le morning time, alors que certains autres ne sont pas ready for the prime time. Un vrai scout. Toujours prêt. Toujours prêt. Donc c'est ton thème d'aujourd'hui, not ready for prime time. Oui monsieur, en français on pourrait dire... Pas prêt pour les heures de garde d'écoute. Ouais, mettons. Ben, ça pourrait être ça, en fait, être la figure de proue. Donc, être devant tout le monde, d'être le Mathieu Pente du jeudi matin. Hein? Oh, wow, merci. Hein? Mais là, il est là, JP, cette semaine. Oui, je suis là. Jean-Philippe est là. Oui, bonjour, Jean-Philippe. Salut. Tu l'as pas vu? Ça fait 3 semaines, je t'ai pas vu. Oui. Je me suis ennuyé. Il fallait y rappeler une deuxième fois. Oui. Mais je veux corroborer avec toi les arcs-en-ciel dans les yeux. Oui. Ah, bon. Moi aussi, je les vois, mais c'est des halos. C'est pas des arcs-en-ciel, c'est ça. C'est des halos. Exactement. Okay. H-A-L-O. Oui, comme les anges. Ouais. Les couronnes. C'est les une couronne mortuaire de couleur autour des. Les lumières. Beyoncé aussi, elle les voit dans sa chanson Hello! Ou dans la fameuse chanson country, là. Hello, hello! Hello, maman! Oui, donc revenons à notre prime time. Il y aura des élections lundi prochain dans Viau et dans Outremont, donc deux circonscriptions montréalaises, okay. Où le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, tentera de se faire élire. On sait qu'il voulait se faire élire, lui, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, ou dans ce coin-là, dans le Nord. Mais bon, il y a des partiels, il n'y aura pas de général, donc il faut qu'il se fasse élire pour pouvoir mettre les pieds à l'Assemblée nationale. Sinon, il peut juste chialer dans les corridors. Il peut vivre vieux comme ça, comme on disait tantôt dans la chronique, ben oui. Sauf que là, ce serait le fun qu'il chialer en chambre. Donc, sous la couverte. Hein? Avec Pauline. Avec Pauline, dans mes chambres. Donc, c'est pour ça que j'ai dédié une chronique à Philippe Couillard au complet, parce qu'on saura lundi prochain, le 9, s'il commettra l'acte impudent de mettre les pieds à la chambre. Voilà. Depuis qu'il est devenu chef du Parti libéral il y a plus de 8 mois, Philippe Couillard n'a pas eu de véritable crise sur les bras et il semblait relativement au-dessus de ses affaires. sauf quand il a eu à expliquer pourquoi il avait tué la descente de police dans son quartier général. On s'en souvient, il y a eu une descente pendant le printemps étudiant. Okay. Et des arrestations. Ensuite, il y a eu des descentes policières et puis personne n'en a parlé jusqu'à temps que quelqu'un s'échappe et que là, tous les médias se garochent là-dessus. Et puis que les disent « Wow, oui, ça s'est passé. » Puis le lendemain, ça recommençait pour dire « Ben là, fuck, qu'est-ce qui arrive? » Donc, en moins de quelques jours, il a toutefois réussi à faire naître un sérieux doute dans l'esprit de ceux qui le voyaient un peu vite peut-être, remplacer Mme Pauline Marois au poste de premier ministre, créant ainsi le désarroi au sein de son caucus. Il y a d'abord eu la sortie de la députée Fatima Houdin-Pépin, dont on en a parlé il y a quelques temps ici. Perçue comme une rebuffade publique à l'autorité du chef, elle a osé critiquer la ligne du parti. Elle a osé. Ah, la vilaine. Pourtant, M. Couillard a dû réintégrer Mme Houdin-Pépin dans son caucus sans même obtenir le moindre début d'un possible excuse de Mme Pépin. Donc, dans l'épisode, il a paru déstabilisé et incertain. Donc, pour reprendre mes chroniques l'autre fois, c'était 1-0 Fatima. Oui. Hein? Bon. Du coup, ce sont les libéraux qui se sont retrouvés embêtés avec le projet de charte de la laïcité, soulageant au passage le gouvernement. Donc, c'est eux qui ont dû se défendre sur la laïcité, quel est le discours véhiculé par le parti, alors que c'était Pauline qui s'était empêtrée dans ce dossier assez déstabilisant pour un gouvernement qui ne sait pas où il va. Dernièrement, cette fois, sur la question de l'atteinte du déficit zéro, le ministre des Finances, Nicolas Marceau, était convoqué par les partis de l'opposition devant un comité parlementaire. C'était à lui de s'expliquer, pas à ses interrogateurs. Pourtant, en une phrase, c'est plutôt le chef du PLQ, Félix Couillard, qui s'est retrouvé sous les projecteurs. Alors qu'il devait attaquer, il a dû se défendre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Nicolas Marceau avait en quelque sorte raison. Le déficit zéro ne sera pas atteint de sitôt. Mais quand t'es dans l'opposition, ton rôle, c'est de gueuler, de chialer, pas de corroborer ce que fait le gouvernement. Donc là, ils ont dit, c'est-tu un péquiste déguisé? Y a-tu sa carte du parti? Est-ce que c'est un infiltrateur? C'est un péquisement. Ouais, un péquisement. Je l'aime, celle-là. Merci. Un péquisement, ouais. Donc, quel cadeau ce fut pour le gouvernement Marois en disant, regardez, même le chef de l'opposition est notre bord. Donc, on va fonctionner de même. Donc, M. Couillard a certainement raison de dire qu'il est irréaliste de viser le déficit zéro dès l'an prochain, mais ce n'est pas à lui à subir la pression par rapport à une promesse péquiste. Il a fallu 3 députés de haut rang du Parti libéral pour venir défendre la position de leur chef en disant ce qu'il a vraiment réellement voulu dire, c'est que l'an prochain, c'est peut-être aussi pas prochainement, tu sais, c'est jouer avec la langue de bois. Donc, mettre en place une logocratie parlementaire, hein, d'où le thème de l'émission. Comme dans les films, quand ils disent le nom du film, tu le remarques, tu sais. Wow. Faudrait mettre une petite clochette. Ouais, c'est ça. On dirait qu'on assiste encore une fois avec Philippe Couillard à une manifestation du syndrome Not Ready for Prime Time. C'est une expression sportive et politique du Canada anglais qui signifie qu'un candidat, même très talentueux, n'est pas prêt à se hisser au sommet sous les feux de la rampe, donc être au-devant. Les exemples de victimes de ce syndrome sont légion, nous rappelant que c'est pas parce qu'on est porté par une vague à un moment donné qu'on sait nécessairement nager. Souvent précédé de sondages, canons et de grandes promesses, les victimes du syndrome déçoivent une fois en selle, rattrapés par leur inexpérience ou par leur méconnaissance de leur parti ou par l'empressement de prendre le pouvoir. Ce fut le cas notamment du prédécesseur de Philippe Couillard, rappelons-nous le bon vieux Jean Charest, porté par un tsunami apparemment irrésistible en 98, lorsqu'il a quitté Ottawa pour devenir chef du PLQ à Québec. On connaît la suite. Lucien Bouchard, alors premier ministre du Québec pour le Parti québécois, l'avait pris de vitesse en déclenchant des élections quelques mois seulement après son arrivée au Parti libéral. Et M. Charest, visiblement dépassé, n'a jamais pu compenser son manque de préparation par son expérience et sa notoriété. Et un des faits les plus cocasses de ça, c'est pendant une entrevue, il s'est auto-désigné chef du Parti conservateur du Canada plutôt que chef du Parti libéral du Québec. Ça a fait la risée. Alors, YouTube, à l'époque, n'était pas très, très hot, mais aujourd'hui, ça ferait le tour facilement. Il avait avoué des années plus tard qu'il n'était pas prêt pour cette élection hâtive. Les 5 années qui ont suivi, par contre, lui ont permis de maîtriser les dossiers prioritaires au Québec, d'apprivoiser son nouveau parti et de prendre de coffre l'Assemblée nationale. Il est devenu une bête politique. Le temps pourrait jouer en faveur de Philippe Couillard. Pas question ici d'attendre 5 ans, parce qu'on sait que des élections à date fixe, en théorie, mèneraient le gouvernement de 2012 à 2016, des élections, si mes maths 436 sont fautes. Mais il y aura aussi probablement, fort probablement, des élections générales dès le printemps prochain. Je les avais prédit pour lundi prochain, mais bon. Bon, ça, là, bon, puis ils ne pas marcher cette fois-là, mais là, ils vont marcher pour le printemps prochain. Donc, il pourrait être tenté lui-même de faire survivre le gouvernement en ne s'opposant pas au budget du Parti québécois ou en déclarant une grippe virale au sein du caucus. Donc, personne ne va pouvoir se présenter pour le vote. Donc, le gouvernement va survivre. Ça, c'est déjà ça vu. Ça se fait, ça. La grippe est rapidement... oui, se transforme en pandémie les jours des votes. L'histoire politique est remplie de futurs premiers ministres sur papier dans des sondages préélectoraux favorables qui ne se matérialisent toutefois pas le jour J. On se rappelle André Boisclair, Mario Dumont, François Legault, Michael Ignatieff au fédéral. Tous ont cru sur la base des sondages qu'ils y arriveraient. Il y a eu là une leçon pour Justin Trudeau, qui, lui, a encore 2 ans pour se préparer. Ce n'est pas trop 2 ans, surtout quand on traîne la réputation de surfer sur sa notoriété. Dès qu'il rouvre la bouche, il se met les pieds dans les plats. Donc, tais-toi pendant les 2 prochaines années. Puis enlève ta chemise. il fait des vidéos YouTube. Hein? Ouais, il est bilingue. Hein? Oui, mais quand tu écoutes, mettons, une vidéo, des fois, c'est lui qui apparaît. Il est là. Bonjour, je suis Justin Trudeau. puis là, il parle. Là. Je suis bel homme. Oui. Si on passe à Jean Chrétien, on se rappelle surtout son caractère bouillant, sa combativité, pardon, ses bourdes aussi, mais on réalise également qu'il s'est hissé envers et contre tous au poste de premier ministre et qu'il y est resté plus de 10 ans. La route pour y arriver toutefois n'aura pas été jonchée de pétales de rose pour M. Chrétien. Il a dû traverser un long désert et a dû manger ses croûtes pendant des années dans le rôle ingrat du chef de l'opposition. Le parcours de Stephen Harper aussi est remarquable, de patience et de persévérance. Morceau par morceau, il a bâti d'abord son parti, puis son programme politique. Et on sait depuis 2006 qu'il est au pouvoir. Et là, j'ai peut-être un petit scoop à la fin. Je vais vous le garder. Okay? Ouais, ouais. On t'écoute. À la fin. Oui, oui, je t'écoute bien tout le long. Calme-toi. Calme-toi. Lucien Bouchard, ton grand homme, Mathieu. J'appelle Lucio. Ouais, Lucio Bucciardo. C'est ça? Ah, Bucciardo. Bucciardo. lui figure parmi les rares exemples de chefs qui ont réussi à satisfaire les énormes attentes placées en lui, mais il faut dire qu'il est arrivé au pouvoir sans devoir subir le test d'une élection. Donc, lui a pris la relève de Jean Parizeau, puis est demeuré chef, puis tout le monde l'aimait, tout le monde le trouvait sympathique. Oui, ben oui, il avait animé l'émission du matin, genre à Québec, le Parizeau du matin. Parizeau! Comment? Le Parizeau du matin. OK. Ouais. Ah! T'as ses fesses, non? Okay. Non, je la comprends, mais bon. ma face me dit que non. Ma face. Mon cœur me dit que j'essaie de la rire, mais il n'y a rien qui sort. Aller vers certains aspirants premiers ministres, même expérimenter ce casse le nez sur la porte de leur ambition, le bagage d'expérience n'est pas nécessairement un gage de succès pour les voyages vers le sommet. Parlez-en à Paul Martin ou à Stéphane Dion, on s'en rappellera. Oh, yeah. Ouais, Stéphane. Le bagage n'est pas un gage, j'aime le... Je sais pas si c'est l'altération ou whatever. Non, oui, bagage n'est pas un gage. C'est la rime, c'est la poésie, c'est du cute. Du cute. bon, vous voulez mon scoop? Oui. Stephen Harper, notre cher premier ministre, qui, les élections en théorie, c'est dans 2 ans, les élections générales, s'en va dans un voyage à Israël bientôt. Certains commentateurs et analystes politiques qui ont des taupes un peu partout dans le bureau diraient qu'il s'en va là comme voyage d'adieu. Oh. Il reviendrait au pays, non pas en tant que premier ministre, mais en tant que simple citoyen. En tant que femme. Il y a des bonnes institutions là-bas. Mais oui, il y en a qui prédisent déjà qu'il va démissionner au retour. Il va finir la session parlementaire, il va laisser passer les fêtes et ensuite il démissionnerait pour laisser la place à quelqu'un d'autre de prendre la relève pendant Pour 2 ans. Parce que s'il démissionne 6 mois avant, on s'entend, le Parti conservateur tombe. Mm-hmm. Pendant 2 ans, il peut se relever. Tout ça parce qu'il y a eu des élections partielles il n'y a pas tellement longtemps, et le Parti conservateur a vraiment, vraiment chuté dans les intentions de vote. Oui, ce sont des partiels, oui, il n'y a pas beaucoup de votants, d'électeurs qui vont voter, mais on s'entend sur les... c'est eux qui sont au pouvoir. Habituellement, ceux qui sont au pouvoir, ils ont une grosse machine électorale, des gros moyens, beaucoup de bénévoles. Ils n'ont même pas réussi à accoter le score qu'ils ont fait il y a 2 ans. Donc, c'est une rebuffade, une gifle en plein la gueule de ces rappeurs. J'aime ça en son en stéréo. Onomatopée Renault. Ouais. Voilà. Voilà, mais merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. Un scoop en plus. Oui, mais en deuxième scoop, y a-tu quelqu'un qui se présente comme étant une bonne tête d'affiche pour prendre le relais? Nomme-moi de nommer 5 ministres au sein du Parti conservateur, puis je peux même pas t'en nommer 2. C'est pour ça que je demandais. Bon, ça va être donc des nobody. Des nobody. Un autre Playmobil. Avec les petits cheveux bien, bien droits. La statique qui ne bouge pas. Bien mouvant. Ah, François Landry, on te retrouve la semaine prochaine. Oui, pour ma dernière chronique. Ah oui. Ouais, c'est ma dernière chronique la semaine prochaine parce qu'après ça, je pars en vacances. De la session, on va te retrouver en janvier après ça. Ah, on verra si j'ai une enveloppe brûlante en dessous de ma porte. Ben, j'espère. Tu peux pas te retenir. Ah, je sais bien. Comme on dit. Je sais. C'est ça. Tu iras en voyage à un incontinent de ces fous. Un incontinent. Je peux pas me retenir. Moi, j'en trouve très bien. Un segment sur genre les nouvelles internationales, ça pourrait être vraiment incontinent, quelque chose. Ouais. Ou un buffet, mettons, un restaurant, ça pourrait s'appeler les 5 incontinents. Je pense que ça a déjà été fait. Je crois que ça a déjà été fait. Ouais. C'est on va la retravailler, puis je te promets qu'on va revenir avec quelque chose. En 2014. De plus juteux. À la semaine prochaine, c'est les jeudis à 8h30 pour Logocratie 101. Dans quelques minutes, on aura Justine. Voyons donc, Joanie commence par un J. Avant, c'était Justine puis Jasmine que je mélangeais. Là, c'est Justine. Hey, on est Joanie. Trois J. Fou. J'ai fou. Fou. Fugees, hein. Il y avait une émission qui s'appelait les Fugees. C'est fou dans le temps. Les Fugees. Je te jure. Les Fugees. Mais c'est un J, mais tu sais, les gens en français, ils prononcent J comme G's, mais c'est J's. Non. Peu importe. Le jeu de mots marchait pas pendant. Ben c'est bon. L'idée était bonne. On devrait rajouter un hashtag devant ça. C'est ça. C'est comme la plupart de mes gags. Hein. Faudrait mettre un hashtag pour qu'on comprenne la blague. Donc, on retourne Joanie Gagnon. Et alors, on sort. Mais avant ça, on écoute, on a créé un monstre. OK. Le corps est lourd, un peu comme tantôt au début de la chronique, tu parlais de Fatima, François Landry. Fatima, le contraire de Slim Ima. C'est Ima qui est gros, une grosse Ima. C'est ça, une grosse Ima. On n'écoute pas Ima. Moi, je la trouve cute, Ima. Oui, OK, parfait. C'est... si elle était grosse, on pourrait faire des jeux de mots, mais on peut pas, puis de toute façon, on serait déplacé. Ah, le pire, c'est que ça serait une belle grosse, je suis sûre. Mais oui, sûrement. Tu pourrais dire Fatimax, comme on peut projeter un film Imax dessus. Il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Sur un tambour, les yeux vers le bas, tu hallucines subitement, tu l'élites là-haut, au-dessus des moyens de tes affaires, tu sais si bien le faire, tu sais si bien le faire. Retour, alors on sort avec Joanie Gagnon. Ok, ouvre la porte, puis va-t'en. Ok. Une fois qu'il est là le jeudi, je suis là puis je fais des pins pour que ça en aille. Comment, faut pas faire ben ça. Ben, commence pas à faire ça. Là. Non, non, reste avec moi. Reste. Rapproche-toi. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, on se jeudi 5 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et 8h57, quand on est à l'avance pour parler de sorties à faire. Mais c'est ça dans la vie, hein? Les sorties, il faut que tu les prévois un peu à l'avance. Fait qu'on te donne 3 minutes de douce, là, quand même. Quand même. Quand possible. Donc, on accueille Joanie Gagnon. Voici. Alors, on sort. Bonjour Joanie Gagnon. Salut, ça va bien? Ben oui, toi ça va? Oui, ça va très bien. C'est alors on sort? Oui. Oui. La chronique d'art et spectacle, de sortie culturelle à faire en ville, ailleurs, maintenant, plus tard, mais pas avant, parce que là, ça s'est passé, puis tu l'as raté, puis tu t'en veux. Exactement. Mm-hmm. C'est ça. Tu pouvais pas être plus précis que ça. Je pouvais pas être plus vague non plus. Non. C'est ça. Oui, ben on commence ça ce soir, il y a plusieurs choses à faire. Ce jeudi 5 décembre, il y a Question pour un champion à la Chasse-Galerie. Mmh. C'est organisé par l'AGE et c'est gratuit. Donc, on dit, vos amis disent que vous avez toujours réponse à tout. Donc, mettez vos connaissances à l'épreuve et venez leur prouver que toutes vos réponses ne sont pas que des sottises. J'entends dire que c'est pas un quiz aussi difficile que le vrai Question pour un champion en France. Là. Non. C'est pour un niveau quand même plus élevé que genre, c'est quelle était la couleur de quelque chose. Bon, c'est ça, c'est le cheval blanc de Napoléon était quelle couleur, genre. Je sais pas trop quoi. Génie en herbe. Génie c'est en herbe. Secondaire, oui. Oui, c'est vrai ça. En tout cas, ouais. Ça existe plus, ça. Je me demande. Je sais pas. Il y a plus hein. De quiz intelligent, on dirait à TV. Hein. Non. Non, tu sais, c'est tout le temps rendu le tricheur. Mais le tricheur, c'est pas intelligent, là, mais tu sais. C'est pas pareil. C'est pas aussi détaillé. Ouais. Bref. Question pour un champion ce soir, Chasse-Galerie. Exactement, à 19h30. Ce soir aussi, un gros party en vue au côté du Nord-Ouest. C'est Marco et les Torvis et Cœur de Taverne. Donc, c'est 5$ et moi, j'aime bien leur nom. Cœur de Taverne. Et c'est ça, il y a plein de spéciaux toute la soirée. C'est à 21h. Cool. Toujours ce soir, 5 décembre, à l'Embuscade, venez découvrir les natures psychédéliques de l'artiste Samuel Champoux. Champoux, oui. Utilise une technique assez unique en son genre de l'acrylique sur verre renversé. J'ai aucune idée c'est quoi, mais ça a l'air super ouais. Cool. Mmh. C'est ça, puis c'est une technique bien à lui, puis il représente les beautés de la nature de façon abstraite et très colorée. Donc, si vous voulez assister à son vernissage, c'est ce soir, 17h, du côté de l'Embuscade. Sinon, activité extérieure à faire en fin de semaine, il y a le marché de Noël du 5 au 15 décembre. Oui. C'est ça, si vous voulez aller faire un tour là-bas et profiter aussi de ce contexte convivial pour prendre part à l'animation quotidienne qu'il va y avoir sur place. Donc, il va y avoir quelques animations si vous allez faire un tour là-bas. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, une merveilleuse occasion pour compléter la liste de vos achats de cadeaux de Noël si c'est pas terminé. En fait, c'est normal. C'est pas commencé. C'est ça, donc c'est la 7e édition au Parc Champlain. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur marché de Noël, trois-rivières.qc.ca. Puis c'est une bonne occasion aussi pour déguster du vin chaud. Ah, pour vrai? Ouais. J'avais goûté à ça du vin chaud. Moi non plus. C'est bon, mais pas trop. Mais est-ce que c'est du vin fait spécifiquement pour être réchauffé ou c'est genre un vin dépendant qui se met toujours avec une cuillère dedans pour pas que ça explose? Ben, je me souviens, c'est l'année passée que je suis allé. Et puis j'ai acheté un galon. C'est comme un jus de pomme, là. C'est comme de la vitre. Oui, c'est ça. Mais l'étiquette est enlevée, là. C'est arraché, il reste un petit peu de colle encore. Non, c'est mais un petit goût, un petit arrière-goût de je sais pas quoi, là. Mais c'est comme un prémix, là. Dans le fond, je pense qu'il rajoute genre de la cannelle, plein d'épices. Okay. T'as juste à le faire réchauffer. Peut-être pas micro-ondes, là. Peut-être non. Plus au feu. Ouais, au four. Dans le bain, un bain-marie. Oui. Tu sais, faut que tu y donnes. Faut que tu le chouchoutes. Si tu mets dans le truc de la glace de ton char. Oui, tu pars le char. Tu te l'envoies. Puis t'espères qu'il n'y a pas un bâton de cannelle qui reste pogné. Ah, ben, ah. Seulement. Mais c'est très bon à essayer pour de vrai. Si vous avez. C'est réchauffant, réconfortant. C'est vrai. C'est le petit bâton de cannelle, là, pour vrai, dans du café ou un chocolat chaud, oui. Là, ça ajoute vraiment de la saveur au lieu des petits copeaux. Là. On est rendu, genre, une chronique culinaire à l'intérieur d'une chronique dans le spectacle. Oui, cool, c'est incroyable. Ouais, enfin, ça donne, en tout cas, ça, tu nous as donné le goût de goûter à du vin. Du vin chaud. Du vin chaud, ouais. Jonathan, vin chaud. Ah ouais. Donc aussi, il va y avoir les frères Goyette qui vont être du côté du Centre culturel Pauline Julien ce vendredi 6 décembre à 20h. Est-ce que vous connaissez les frères Goyette? Oui, ben oui. Oui, on les a sur le palmarès, c'est même que leur CD est ici. Je vous le montre à la caméra. Caméra 2? Oui, caméra 3! Donc, c'est ça, c'est folk un peu avec des accents rock, une rythmique acoustique. Et j'ai lu que sur scène, ils sont 5 musiciens. Moi, je les ai jamais vus en spectacle. Et un performeur. Il chante pas, le gars. Ouais, il gosse des affaires. Il monte un objet. Une nouvelle œuvre à chaque. Ouais. Il m'énerve. C'est ça, puis il fait à chaque fois un nouveau bricolage. J'avais des exemples, un air climatisé portatif, un sous-marin en carton ou un meuble. Tout dépend de l'humeur de l'artiste. Wow. C'est cool quand même. C'est quand même très cool. C'est très drôle. Moi, je trouve ça honnêtement plus drôle en spectacle que sur CD. Sur CD, on dirait que c'est tellement bien produit et tu sais. Moi, les chansons humoristiques, ça me touche moins, tu sais. Mm. Dans sur CD, en tout cas, bref, peu importe. Là. Mais en spectacle, ça va être vraiment cool. Ouais, c'est quand? Super cool. C'est ce vendredi 6 décembre à 20h. Allez voir ça. Il y a aussi la pièce Biloxi Blues de Neil Simon et d'une mise en scène de Martin Franqueur. C'est présenté les 5, 6, 7, 12, 13, 14 décembre à 20h à la Maison de la Culture à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Ça met en scène les aventures d'un jeune militaire. Si vous avez envie d'aller au théâtre, ça peut être une suggestion de pièce. Et ça, 5, 6, 7, 12, 13, 14, c'est des jeudis, vendredis, samedi des deux prochaines semaines, mais de la semaine en cours et de la semaine d'après. Ouais, voilà. Exactement. Voilà. Aussi, mardi prochain, je vous en parle tout de suite comme à l'habitude, il va y avoir un show pop rock au Gambrinus avec Caïman Fou. C'est 10$ en pré-vente et les billets sont en vente au Gambrinus. C'est ça. Donc, vous connaissez sûrement la chanteuse, c'est Isabelle Blais. C'est une comédienne qui est née à Trois-Rivières. Donc, elle a fait plusieurs films, dont Les Invasions barbares. Elle joue dans CA. Donc, si vous avez envie d'aller voir ça. Et aussi, mardi prochain, à la Maison de la Culture, ça va être le match d'impro des Mauves contre les Verts qui font partie de la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne. C'est 5$ pour les étudiants. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur les prochains matchs à venir ou celui-là, allez sur limimpro.wordpress.com. Vous allez avoir tous les détails. Tout à fait. Et je termine en rappelant aux étudiants, comme à l'habitude, qui peuvent s'inscrire pour UQTR en spectacle. Si vous avez un talent en art de la scène, que ce soit en humour, en danse, en chant, en musique, en théâtre ou autre, vous avez jusqu'au 17 janvier prochain pour vous inscrire. C'est la 10e édition cette année de QTR en spectacle et ça va être au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières comme à l'habitude. Cette année, ça va avoir lieu le 13 mars, donc c'est une belle chance de se produire sur une belle scène, sur une grande salle. Donc, allez voir sur le site www.univers-cité-en-spectacle.com. Et c'est un rendez-vous aux auditions le 28 janvier. Absolument. On ne sait pas encore c'est qui va animer ça. Hein? On ne sait pas encore, non. On ne le sait pas encore. Non, le sait pas. Vous le savez sûrement. Surprise. Mais ça va être d'abord. Super drôle. C'était Vincent C, le magicien trash l'année passée. Je trippais. Oui, il était porte-parole. Oui, porte-parole, c'est ça. Ben, ouais. Il a animé un petit peu la soirée. Il était là, il était présent. Ouais. Il y avait un petit numéro de lui, en tout cas. Oui, c'était très bon. C'était très bon. Tu as parlé de Caïman Fou tantôt. Oui. Formation locale qui est vétérane des palmarès depuis plusieurs années. En fait, tous leurs albums sont passés par les palmarès à un moment ou à un autre et presque toutes les pièces. Et là, ils ont un album qui est sorti en 2012 qui porte le nom de AD1000 et on s'en va entendre une pièce qui fait l'objet d'un nouveau vidéoclip. Voici Fou. De Caïman Fou, tu sais, ils savent que les gens disent Caïman Fou comme FOU, mais c'est FU, tu sais, leur affaire. Uh-huh. Les autres, la pièce, c'est Fou, FOU, c'est fou. Comme c'est fou. C'est vrai. Chanson thème, on devrait rajouter des C à la fin de chaque fou qu'ils vont dire dans la chanson. Tu sais, il n'y en aura pas, rien pour. Attends. On la connaît pas, tu sais. Mmh. C'est gênant. Je suis prêt. C'est. Dans un coin de ma mémoire, la maison dans la. Les mots comme des bombes, la colère qui tapisse les murs, nos valises, les souvenirs des enchantés. Pour le reste du voyage, il faudra leur faire une place. C'est fou, c'est fou. vue. C'était sauf qui peut. Caïman Fou et la pièce Fou. Allez voir le vidéoclip sur leur site web caïmanfou.com, caïmanfou.com. Et on rappelle le spectacle, Joanie? Oui, exactement. Ça va être du côté du Gambrinus mardi prochain, 10 décembre. C'est-tu le 10 décembre mardi prochain? Oui, exactement. Oui, le 10 décembre. Oui, oui, 10 décembre. Oui. Ça, je me mêle avec 10$ les billets, 10 décembre. Donc, c'est ça, au Gambrinus, allez voir ça, Caïman Fou. Formation locale qu'on apprécie beaucoup. Et leur album le plus récent s'appelle Des Mille. Mm-hmm. Merci, Joanie Gagnon. Merci à vous. On se retrouve jeudi prochain, 9h, pour une autre chronique à l'heure on sort. Oui. Traditionnel, il en reste pas beaucoup. Fait qu'on va. Non. Pour l'année, en tout cas. Ouais, exactement. On s'en reparle. maintenant, on va, Jean-Philippe, enchaîner avec une chanson de Noël, mais de nouveau genre, hein. C'est pas nécessairement du classique, ça. Non, c'est pas un classique. Peut-être ça va devenir. Oui. On va voir. Hein? Le temps nous le dira. Formation Rouge Pompier, qu'on connaît ici. Hein? Bon, on a fait jouer presque toutes les chansons de leur album, un peu comme quand ils m'en foutent. Oui, c'est le bon. Bon stock francophone. C'est bon. Ils ont sorti hier un vidéoclip avec une nouvelle chanson de Noël. Puis écoute, là, le titre exact, c'est « Il est né... » Le chèque de la divine Socan. Exactement. Socan, des fois, vous nous entendez en parler en ondes parce qu'on est du genre très transparent, assez fou. Et une fois de temps en temps, une fois par année ou deux fois par année, on a à remplir des feuilles de la Socan. Ben oui. C'est la Société des auteurs-compositeurs du Canada, je sais pas quoi. Ils veulent qu'on leur donne l'heure de diffusion, l'artiste, l'auteur-compositeur-interprète, la durée de la chanson. Puis là, on vous fait des blagues de tout ça. Et là, ben, Colin, à Noël, j'imagine que Rouge Pompier a reçu son chèque de la Socan. J'imagine. Je pense que c'est un peu plus tôt qu'à Noël. Là, je pense que c'est il y a un mois, c'est fin novembre, je pense, qu'ils reçoivent ça. Assez pour les cadeaux quand même pour eux autres. Oui. Puis c'est bien, hein, c'est une belle, quand même belle chose pour encourager les auteurs, compositeurs ici du Québec. Faut bien qu'ils vivent un peu. Là. Exact. Donc ils ont écrit cette chanson-là, Il est né le chèque de la divine Socan. On va l'écouter Rouge Pompier. Découvrons-la ensemble. Ah, ça va être magique. Le bien du droit d'auteur, sois conséquent, il est né le chef. Voilà. Rouge-Pompier, il est né le chèque de la divine Socan. Mais ça. Et puis, tiens, regarde bien ce que j'allais faire. Je vais aller vous mettre ça sur la page d'Assemblage Requis Facebook. Ben trop fort. Parce que le vidéoclip vaut quand même la peine. Oui. C'est, c'est un cheesy kitsch. Voulu assumer. Assumer, exactement ça. Le mot que je cherchais. Assumer avec la fausse neige rajoutée par-dessus. Comme dans toutes les sitcoms où, genre, il faut montrer que c'est l'hiver dans l'épisode, fait qu'ils font. C'est la même maison, oui. Mais il y a de la neige par-dessus, tu sais. Exactement. C'est toutes les sitcoms. Rouge Pompier, que vous connaissez sûrement, c'est fou, des chansons, paquet de choses, Anne Dorval, Paul, Rouge Pompier, un paquet de choses comme ça. Oui. Donc, il est né, le chèque de la divine Socan, c'est sur YouTube. Tapez Rouge Pompier chèque, puis ça tombe premier. ça direct. Parlant de YouTube, tiens, notre ami David Ferron, qui d'habitude chroniquerait le jeudi matin, à 8h. Cette semaine, il n'est pas là, mais il va être de retour la semaine prochaine, nous dit-il. Parfait. Il nous a posté sur Assemblage Requis, sur facebook.com/assemblagerequis, plutôt, une chanson dont il a parlé la semaine passée dans sa chronique. C'était le groupe La Pompe Moderne, qui faisait des reprises de chansons à la manière de Georges Brassens. Donc, il nous suggère sur la page Facebook leur reprise décoiffante du succès de Daft Punk, Harder, Faster, Stronger. Ah, ben j'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. La Pompe Moderne, voici, est plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. C'est La Pompe Moderne avec la chanson « Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort », une reprise de Georges Brassens. Et pour ceux qui n'ont pas saisi, c'est un accent français que je me donne. Je sais que c'est Brassens. Georges Brassens. Voilà. Quand le reste de la phrase n'est pas avec un accent, j'avoue que c'est confus. Ouais. Donc, c'était une suggestion de David Ferron et qui nous en parle la semaine passée, La langue dans ton oreille. Il va être de retour la semaine prochaine, les jeudis à 8h. Oui. Oui. Maintenant. Allons-y avec « Son foutu palmarès ». Je suis maintenant à la base. son foutu palmarès. Assemblage Ricky, c'est une chronique où on fait une liste. Oui. C'est la chronique facile. Tellement facile que ça va prendre 2 minutes, mais ça va remplir du temps. C'est ce qu'on aime avec cette chronique-là. Check-nous bien, allez. Check-nous bien. Regarde ça, je commence directement là avec le top des sites web abandonnés, mais qui fonctionnent toujours. Ah, OK. Selon mentalfloss.com. Commençons avec le site de la campagne électorale de Bob Dole et Camp Dole Camp en 1996. Donc, l'âge de l'Internet par dial-up. Genre, par composition du téléphone est terminé, mais ce site-là, qui ressemble vraiment, qui est typiquement 1996, existe encore. Donc, allez voir ça, c'est sur attends un peu, où est l'adresse? Bon, j'ai pas l'adresse, mais bon. Bob Dole et Sean Scamp en 96. Ensuite, celui-là, on l'a déjà croisé plusieurs fois sur Internet, mais le site du film Space Jam de 1996 est toujours en ligne. Ah! C'est vrai. Donc, sur warnerbrothers.com/Space Jam, avec un arrière-plan à étoile GIF animé. Des graphiques très, très cheesy. Et Michael Jordan, évidemment. Ben oui. Donc, c'est toujours en 1996, une capsule temporelle, si on veut. Ensuite, l'autre position, c'est... En fait, je pense que chose Dole Camp, là, c'était pour plus tard dans le palmarès, c'est pour ça que j'avais pas le lien. Mais c'est Internet Explorer is Evil, qui date de 1998, quand Microsoft forçait les utilisateurs d'Internet Explorer 1 à upgrader à Internet Explorer 2, ben, un client, un consommateur de produits Microsoft n'était pas très heureux. A donc parti ce site-là, qui est toastytech.com/evil. Et on voit Bill Gates dans une étoile satanique sur fond diablesque rouge. Wow! C'est magnifique. Ensuite, il y a Ask Dr. Internet sur promo.net/DrNet, DrNet, ça date de 1996, avec des très, très grosses polices très vintage. Et des liens, tu sais, HTML, dans le temps que les tableaux avaient des contours. Oui, des contours en HTML. On ne savait pas encore comment mettre un zéro pour pas qu'il y ait de contour. Donc, Ask Dr. Internet, un des plus vieux sites de questions-réponses. C'est un peu l'ancêtre de Yahoo Question and Answers, là, genre. Bref, ou Ask Jeeves. Ensuite, Three Rivers Stadium, le stade, pas de Trois-Rivières, mais de 1998. C'était le site des Pittsburgh Pirates et des Steelers, le Three Rivers Stadium, qui a été démoli par une... On en parlait plutôt dans l'émission, une boule de déconstruction. Là. Oui. Une wrecking bull, ball, wrecking bull. Bull. Bref, l'ami de Miley Cyrus. C'était en l'an 2000 que ça a été détruit, mais le site web est toujours là. Ensuite, en cinquième place, c'est Fogcam de 1994. C'est la plus vieille webcam qui diffusait sur Internet, la Fogcam, qui était sur la San Francisco State University, par-dessus la cour, depuis 1994. Et je crois, si je comprends bien, que la Fogcam diffuse toujours en direct en ce moment. Ah! Oui, 5 décembre 2013, 6h21 du matin en ce moment. Je pense qu'ils ont juste pas ajusté leur heure. Ah non, attends, non. Mais non, oui, il doit être en décalage. Hey, je me parle, c'est con, là, mais je me pense en après-midi en ce moment. Ah! On anime le matin depuis quoi? 3-4 ans? Ça va. Ça va. San Francisco Fogcam. Moi, les cases horaires, là, c'est flou, ça. Sixième place, le site du film You've Got Mail avec Tom Hanks et Meg Ryan. C'était 1998, est toujours en ligne. Et ça, pour un site de film, c'est vraiment pochetron. C'est un fond blanc. Le logo du film est deux barres bleues puis le corps de Meg Ryan puis Tom Hanks. Des liens bleus. C'est tout. Incroyable. Sur fond blanc, c'est génial. Warner Brothers qui ne ferme pas ses sites de films, apparemment. Ensuite, Strawberry Pop-Tart Blow Torches de 1994. OK. Donc, c'est si votre Pop-Tart se transformait en grille-pain. C'est ce qu'on vous dit ici, en lance-flamme. Donc, c'est ça vous dit ici, introduction, matériaux utilisés. Et c'est pour faire vraiment littéralement de votre grille-pain un lance-flamme grâce à des Pop-Tarts. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de chimique dans les Pop-Tarts, mais on vous l'explique sur ce site-là. C'est en 1994. La recette est toujours là. La page de Robert De Niro de 1999, pour savoir vraiment ce que Robert Bobby De Niro faisait il y a 14 ans, être à jour dans sa carrière jusqu'en 99. C'est fantastique avec une belle photo de lui dans un champ de blé d'Inde. Ensuite, le Klingon Language Institute de 1996. Vous savez qu'il y a un institut de la langue Klingon dans Star Trek. Wow. On peut apprendre à parler vraiment le Klingon en s'inscrivant à cet institut-là. C'est toujours disponible. Ensuite, la page de CNN concernant le procès d'O.J. Simpson en 1996 est toujours là. Très, très à jour sur cet événement marquant des années 90. Donc, CNN et toute leur couverture. En 11e, bienvenue chez Netscape. Oh! En 1994, comment utiliser Netscape? Comment commencer sur Internet? Explorer l'Internet, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui est cool? On vous dit tout ça. La communication, man. Comment dire, lier, tisser le lien social de Netscape. Oui. En 12e place, c'est le Fantasy Baseball, qui est à l'honneur de 1996. C'est la page principale du Fantasy Baseball. Vous savez, ça, c'est quand on se crée sa propre ligue, un peu comme le Fantasy, j'imagine, hockey qu'on doit faire au Québec, où on choisit ses joueurs et on monte et on descend dans les codes, dépendant de ce que le joueur a fait. Un pool! Le mot que je cherchais, merci beaucoup. En 13e place, c'est le Washington Post Year in Review, donc le résumé de l'année 1996. OK. Tu sais, vraiment, là, pour être au fait des événements plus ou moins importants, des affaires avec Bill Clinton, le terrorisme, des procès, bref, les Olympiques d'Atlanta, surtout. Ben oui. L'événement marquant. La Macarena, man. OK. La Macarena, c'était en 96, ça va être ça? Waouh, non. Moi, je me rappelle. Je pensais que ça faisait bien plus longtemps que ça. Moi aussi, ça a l'air rétro, mais on est rendu à revenir à ça, hein, ben pense. Oui. Ça va revenir sur la Macarena. La chanson Achy Breaky Heart, sûrement aussi va revenir. Mais en version remix, ouais. Sur une boule de démolition. Avec une langue sortie. Le 14, je comprends un peu moins ce que c'est. C'est Arne Gren en 2004, OK? 2004. Ça, c'est dans la décennie juste avant la nôtre, OK? Ouais. Mais la page web a l'air de dater d'avant Internet, t'sais. OK. On dirait des découpeurs de journal. Genre, c'est vraiment des petits carrés avec un paquet de produits et des prix, des cases de différentes couleurs, t'as des gifs animés, ça bouge partout, je vous jure, ça ne pourrait pas bouger plus que ça. Et t'as même un petit compteur de visiteurs, t'sais, là. Ah oui, okay, oui. Il est-tu vert? Il est vert. D'habitude, il est vert. Sur fond noir, mais il est vert, ouais. C'était en 2004, par contre. Je comprends pas. Arne Gren, allez voir, c'est sur arnegren.net. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait en 2004. C'est sûr que ça va créer des mots de tête. Et tiens, on revient à la position que j'ai mentionnée au début. C'était leur image dans la tête sur l'article, mais Bob Dole et Jack Kemp, c'est le prénom, c'était Jack que je cherchais pour leur campagne présidentielle de 1996. Donc voilà. Et en 16e place, on y va avec Amanda Please, qui est le site web du Amanda Show. Une sitcom avec Amanda Bynes. Vous vous rappelez d'elle récemment pour ses déboires de, je sais pas si c'est de la drogue ou des problèmes psychologiques, je crois. Ses problèmes nombreux. Donc Amanda Please en 2002. Mais quand même un bon site, là. Moi, je trouve que c'est pas un site si laid que ça. Et en 17e place, c'est Zombo, qui date de 1999, zombo.com. Quand tu cliques sur Zombo, je me rappelle de quelque chose par rapport à ça. Il n'y a pas quelque chose d'auditif là-dedans? Zombo.com, on va y aller voir live comme ça quand c'est de l'auditif. Là. Oui, je pense que oui. Zombo. To ZomboCom. Ah oui! This is ZomboCom. C'est tout ce que ça fait. T'as le texte Zombo.com en grosse couleur et un fond blanc. This is ZomboCom. Welcome to ZomboCom. Wow! You can do it. C'est comme le classique aussi de Perdu.com. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'auditif là-dessus? Non. Non, c'est bon. Que visuel. Que visuel. Mais je peux te dire le punch? Ouais, vas-y donc. Il y a une petite étoile en plein milieu d'une page blanche, puis ça te dit « Vous êtes ici! » Vous êtes ici. Vous êtes ici. Voilà pour le palmarès des sites qui sont toujours en ligne, qui datent beaucoup trop, mais quand même. Fantastique. Zombo.com. Je pense que c'est mon préféré. Oui. Hein. On va en musique une dernière fois. On revient avec la conclusion de cette semaine d'Assemblage requis. Voici Morning Man, parce que c'est ce que nous sommes pour encore deux semaines. Oui. Après ça, on va être en congé. On va être là pareil en nombre. On va être en congé dans nos lits. Oui. Le ciel sur mon oreiller de bois. Ah, puis je me lève à l'aube, je vole les ondes. Ma radio pirate au sous-sol. Place l'aiguille, fais chanter le vinyle. Part en couvert, on m'entend jusqu'en ville. J'ouvre mes micros. Ah, je parle souvent à travers mes chapeaux. Ma grande gueule ouverte, je lève les couvertes. Franc parler, musique, country. Les mains t'apportent la fine pointe. Le bonheur est là, l'antenne est longue. Le morning man a vu. Son ombre. jaloux. C'est dur à croire qu'on m'écoute jusqu'au bout. Jamais fait tirage, moi je laisse la place aux monde qui ont jamais eu le micro. Une voix d'or sur fond de cafetière, des graines de toast dans des journaux ouverts. Jase de licence, je mettrai pas une scène pour dire ce que je pense. Sur les ondes AM, c'est moi qui mène le flibustier des ondes hertziennes. L'émetteur porte la fine pointe, le bonheur est là, l'antenne est longue. The morning man a vu. Sur la Vermillon, c'est plein soleil aujourd'hui. 12 degrés à l'extérieur, moins de rosée à 4. Aux éphémérides aujourd'hui, il y a 15 ans, Colette Piché posait son avion sur les Açores. On s'en rappelle. On poursuit en chanson avec Gilles Vignon. Les frères Goyette et Morning Man sur leur album Fidèle, Tenace et Frère. Oui, monsieur. Oh oui. Et c'est là-dessus que se termine cette semaine d'Assemblage requis. Oui! Ça a passé vraiment vite cette semaine. Oui, ça a été une semaine rapide. Il nous en reste seulement deux avant les fêtes, en direct, bien sûr. On va remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Donc, Justine Renaud. Oui. Avec Justine Platine. Oui. Et François Landry. Oui, le gars 101. Oui. Joanie Gagnon. Oui, et alors on sort. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. David Ferron va être de retour la semaine prochaine, comme on l'a dit. Lundi à l'émission, on devrait avoir les coulisses de la Luître, donc un joueur ou une joueuse d'improvisation. Laurent Constantin qui va être là pour Voyage au centre du campus, sa collègue d'actualité de l'UQTR. Et Maxime Tanguay pour nous faire écouter de la musique pour étudier dans J'ai tout le temps pour une chronique. C'est lundi à 6h30, en direct à partir de 7h30. Oui. Restez sur nos ondes parce que tantôt à 10h, ce sera évidemment Les Belles et les Bêtes. Oui. Magazine d'actualité et autres. Après ça, Dîner de con. Oui. Insolite. Les niaiseries. La bière de la semaine. Oui, c'est vrai, on est jeudi. Oh, c'est le jour de la... pas la paye pour nous autres, mais de la bière. Oui, semaine prochaine. Semaine prochaine, on dirait que c'est le jour de la paye. À 15h, je vais être de retour avec Stéphanie Paradis pour l'édition complète des Palmarès C'est fou. Et puis à 19h, c'est 13e étage avec l'électro-jazz éclectique. Oui. Passons de belle fête semaine. Mais toi aussi, Mathieu. Mais si vous, ça vous manque, mettons, l'assemblage requis, ouais. Ben, je pense que vous pouvez nous écouter quand même demain matin, puis c'est le meilleur moment. Oui! Le vendredi. 7h le vendredi, midi le samedi. Ben voilà. Le meilleur de C'est fou, man. Puis au pire, allez, il y a les balado-diffusions et les notes de l'émission. Oui. Au pire, si vous nous le demandez gentiment, on peut vous refaire l'émission live aussi. Oui, aussi. Tu sais, il y a des cases horaires de vide dans la journée, on va refaire ça. On va faire ça. Ben bon, aujourd'hui. On a eu du fun. Ben oui. Ben oui. Mm-hmm. On a assez parlé. Mais t'as pas dit assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Facebook.com/assemblagerequis, Twitter.com/assemblage c'est fou. Puis c'est fou.ca pour la programmation complète. C'est vrai. Hey, à lundi. Google.com pour nous trouver si vous voulez. Oui, c'est ça. À lundi.